Samedi 6 octobre, 19h. À Bel, le foot de Dieu. Le club d'échecs est en pleine inflorescence. Dans les cours de récréation, parfois, il y a des modes. Des jeux qui d'un coup deviennent attractifs. Ici, depuis quelques jours, ce sont les échecs. Même parmi les jeunes arabes, ça commence à prendre. Samir, celui qu'on surnomme Samir le Diable, a même accepté de jouer une partie contre moi. C'est tout dire. Samir est un garçon très sec, avec un grand nez et de larges oreilles, qui lui donnent un air méphistophélique. Auparavant il ne m'adressait jamais la parole. À peine me disait-il bonjour, quand je venais comme aux autres lui serrer la main. Ni même, me regardait-il. Je m'aperçois qu'il joue aux échecs, et qu'il joue fort bien ma foi. C'est curieux qu'il n'ait jamais voulu s'asseoir à notre table. En prison c'est comme partout, il y a des mondes qui ne s'accordent pas, qui cohabitent à peine. Même captif, on a beau faire, on est différent. C'est vrai que l'arrivée d'Alexandre le Métis, et son incorporation directe comme membre honoraire, d'un coup confère au club une certaine étoffe. Et son copain Abdel veut s'y mettre aussi. À présent, on peut parler de club. Il y a plusieurs joueurs. Plusieurs joueurs mais un seul échiquier. Il faut savoir laisser son tour. C'est pour Nasser l'Égyptien que c'est le plus difficile. C'est décidé, je fabriquerai un second jeu. Au pied des baumettes, les bouchons ça ne manque pas. Abdel et Alexandre, m'apprennent-ils, ont habité la même cité des quartiers nord de Marseille. Une cité que j'ai bien connue moi aussi dans le temps. Le souvenir de ce quartier m'est encore familier. Je leur cite des noms et des places. Ainsi avons-nous presque des connaissances communes. Abdel, je l'ai surnommé le « Hadj », bien que je ne sais pas s'il a jamais fait le pèlerinage. Mais c'est tout comme. Il a le crâne rasé et une barbiche taillée en pointe. Il porte un livre de prière en guise de vade-mecum, et son discours est toujours empreint de citations religieuses et de renvois au Coran. Ses lunettes épaisses lui donnent pour de bon, l'air d'un étudiant en religion. À part ça, c'est vraiment un garçon fort sympathique. Il est courtois et bien éduqué, il s'exprime dans un français policé, sans trop l'accent des cités. Il a dû faire quelques études. Nous sympathisons, nous jouons aux échecs, il s'agit plutôt de lui expliquer les règles, et nous marchons ensuite, histoire de nous dégourdir les jambes. Chemin faisant, il m'interroge. Et toi Bruno, tu n'as jamais pensé à devenir musulman? Je reste un instant silencieux. Le voilà pas qu'il essaierait de me convertir. Moi, l'homme de peu de foi. Je lui souris. Comme nous marchons, que j'ai le temps et qu'il est un homme de bonne intelligence, je suis curieux de voir comment, va-t-il pouvoir tenter de convertir un converso. Je sens bien qu'il fourbit ses arguments. Il me jauge, et puis il s'élance. Son discours est bien charpenté ma foi. Il a dû reconnaître en moi, un esprit cartésien, puisqu'il tente de me convaincre, que le Coran détient toutes les vérités, y compris celles révélées par la science. Je me dis que Darwin se retournerait dans sa tombe s'il l'entendait. Je lui réponds, par provocation, que sa croyance me paraît bien fragile, pour qu'il doive justifier de l'existence de Dieu, et de son prophète, en usant de tels expédients. En règle générale, tu sais, science et religion, quelle que soit d'ailleurs la religion ne font pas bon ménage. La science ne saurait apporter la preuve irréfutable de l'existence de Dieu, ni l'inverse d'ailleurs. Je me rends compte à l'écouter combien l'islam est prégnant au Bahamas. Une partie importante, peut-être plus de la moitié des détenus que je fréquente, sont, ou se disent, musulmans. Parfois, venus d'une cellule plus ou moins lointaine, par les fenêtres, nous parviennent les échos de sourates enregistrées. Les Bahamas ont parfois des airs de grandes mosquées, et plusieurs n'hésitent pas à faire leurs prières dans les cours. Des conversions ne sont pas chose rare parmi les Roumis. À ça, par exemple, l'ancien co-cellulaire de Jean-Marie, se prénommait dans une vie antérieure, Eric. Jean-Marie me raconte comment, en cellule, il fait ses 5 prières quotidiennes, agenouillé, la face tournée vers la Mecque, c'est-à-dire, le nez collé à la porte de la cellule. Et lorsque celle-ci s'ouvre, poursuit Jean-Marie, à ça continue sa prière, imperturbable. L'oxy est alors bien obligé de faire passer les gamelles par-dessus son dos, sans devoir l'interrompre. Le rythme des fêtes musulmanes, surtout le ramadan et l'Aïd, structure la vie carcérale, plus que Noël ou la Pâque juive. Non seulement pour les musulmans mais aussi pour les autres. Qu'importe l'église, pourvu qu'on y trouve le bon Dieu, voilà ma foi, avoué-je à Abdel. Malgré tout, je ne suis pas prêt à accepter n'importe quel credo. Mais, qu'à cela ne tienne, je serai ici très écuménique. Je suis persuadé qu'au Bahamas, il y a assez de place pour tous les curés, les rabbins et les imams de la création. Je regrette seulement l'absence des bons tibétains, lui dis-je en souriant. Le bouddhisme et le taoïsme, mériteraient aussi toute leur place. Pour être zen je rajoute. Il me répond, peut-être à court d'arguments, que je dois être une âme bien égarée pour parler ainsi. Là pour de bon, il a bien raison. Dans cette prison, je sais bien que je suis perdu, perdu peut-être à jamais. Mais ce qui me rassure un peu, c'est qu'ici nous le sommes tous. Cela me permet d'espérer. C'est là mon évangile. Nous finirons la promenade, entre philosophie et religion, accompagnés d'Alexandre le Métis qui nous a rejoints. À trois nous dissertons sur le cours des choses, sur l'avenir et la fin du monde. On nous l'annonce pour le 21 décembre prochain. Il serait malheureux qu'on soit libéré juste la veille, me dit en plaisantant Alexandre. Abdel, Abdel le Hadj, est vraiment un garçon agréable même s'il est au fond, un fou de Dieu. C'est bien, nous lui apprendrons les échecs. Peut-être m'enseignera-t-il de son côté à être un peu moins mécréant.